van Gangnam Style. Sexy lady. On a compris le principe assez rapidement. Il fallait qu'il rajoute. Ouais, ben allez voir la vidéo, rien que parce que la fille est vraiment cute. Ah ouais? .com Mercredi. Comme toujours dans CNX, on fait un petit tour du web, les Webernets, Interspace, Weberspacenets. Toute l'équipe, là. Toute l'équipe, là. Et on commence avec Coca-Cola, oui, Brésil, qui a créé une annonce unique pour Capricorn Magazine. Le magazine Capricorn. OK. Donc, la publicité à l'arrière du magazine a des onglets qui vous permettent de plier, de rouler, dans le fond, le magazine et d'insérer les onglets dedans. Donc, le magazine tient roulé et l'annonce dépasse et tu mets ton iPhone dedans et ça fait un dock à iPhone qui ensuite fonctionne comme amplificateur de son. Sûrement pas aussi bon qu'un stéréo, là, mais au moins, quand même, ça fait que les gens vont garder le magazine avec eux en tout temps. Et tu sais, faire voir la publicité, faire voir le magazine aux gens. Ouais. Une pas pire idée. Il y a une vidéo pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne. Et c'est 100% recyclable, tout à fait vert et tout ça et tout ça. C'est vraiment génial. On pourrait faire ça avec pas mal n'importe quel magazine, mais eux, avec les onglets, ils ont vraiment eu la formule gagnante. J'aime bien ça. Ensuite, tiens, ça, c'est un gars qui a fabriqué ça lui-même. C'est M.S. Rainsford qui a reproduit, dans le fond, le premier tableau de Donkey Kong aux arcades. Tu sais, Donkey Kong avec les échafaudages, Mario qui monte, qui sont par-dessus les barils. Ouais, ouais. Donc, c'est fait avec un laser cutter là, et un contrôleur Arduino. Là, j'ai aucune idée ce que c'est super technique. Là. Mais bref, il a reproduit le jeu. Il faut aller voir sur assemblagerockey.com pour voir la vidéo de ça. Et donc, Mario saute par-dessus des barils qui sont en fond des petites billes d'acier que Donkey Kong envoie et fait descendre sur les échafaudages. Et c'est contrôlé tout ça avec une manette de Nintendo originale. OK. C'est très, très, très bien fait. Allez voir ça. C'est sur assemblagerockey.com. Ensuite, tu connais la PETA, P-E-T-A? Ceux qui se battent contre, dans le fond... Les droits des animaux. Pour les droits des animaux et contre la violence envers les animaux, exactement. Donc, c'est People for the Ethical Treatment of Animals. Moi, en tout cas, je suis de leur bord dans la plupart des affaires. Je trouve que c'est super ce qu'ils font. Je sais que des fois, ils vont peut-être un petit peu loin. et ils font chialer les gens. Ben, ils dépassent, ben, pas dépasser les limites, mais ils repoussent les limites. Repoussent les limites. Des fois, les dépassent, selon certains, ça dépend des avis, là. Mais c'est ça, ils veulent faire parler d'eux, et la seule façon de faire parler d'eux de nos jours, c'est de vraiment provoquer ou, tu sais, faire une controverse. Et ça, ils réussissent très bien pour un objectif qui, d'après moi, est parfaitement valide. Donc, la PETA, cette fois-ci, s'en prend à Pokémon. Et ça, c'est peut-être un petit peu bizarre. Moi, je crois que c'est une parodie de la chose. Je pense pas qu'ils pensent vraiment que les Pokémon sont emprisonnés dans des Pokéballs contre leur gré, tu sais. Parce que c'est un peu ce qu'ils disent dans le jeu qui s'appelle Pokémon Black and Blue. Gotta free them all. Et là, on voit Pokémon avec un truc contre le cou, autour du cou, avec une chaîne. Et puis, on voit un paquet de choses comme ça. Du sang en masse, des pansements, il y en a partout. Donc, allez voir ce jeu-là. Allez y jouer, en fait, sur Assemblage. Il y a de la petite musique qui joue, là, c'est bien la fin. Mais c'est ça, je sais pas trop c'est quoi leur objectif derrière ça. J'espère que c'est pas vraiment de libérer les Pokémon, sûrement pas. Je pense que les gens qui pensent que c'est vraiment contre Pokémon que la PETA s'en prend, c'est peut-être pas nécessairement ça. C'est peut-être juste pour montrer que Pokémon et les animaux de cirque, mettons, qui sont emprisonnés, ouais. Il y a peut-être une similarité. Genre, ouais. Quelque chose de similaire, en tout cas. Bon, bref. Parlant de Pokémon, tiens, une nouvelle série de. Je sais pas si c'est des posters, en fait. Ce que je vois, c'est des images ici. C'est de l'intérieur d'un Pokémon, comme s'ils étaient de vrais animaux. T'sais. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment dessiné les Pokémon. Et ben, là, c'est en langue asiatique à mentionner, si je savais c'était laquelle. Là, mettons, ouais. Mettons en japonais. Ça ressemble à du japonais, en tout cas. Et puis, c'est ça. Donc, chacune des parties du corps est mentionnée avec le texte à côté. On voit l'intérieur du corps de plusieurs Pokémon. Ça pourrait être une série complète. Ils pourraient faire tous les Pokémon qui existent. Faut vraiment être un fan. Oui. Oui. Mais c'est drôle. C'est le fun. Vous vous rappelez de Félix Baumgartner, celui que t'appelles Félix Donc, Félix Baumgartner qui est sauté, là, vous savez, dans le Red Bull Stratus en fin de semaine passée. Donc, on peut voir maintenant des gifs animés de cet homme-là en train de sauter. C'est ce que sa famille voyait, comment son parachute s'est ouvert, etc. Mais des gifs, donc c'est en boucle. Donc, on le voit être fier d'être atterri. À la fin. Et après ça, on peut voir, toujours le même article sur assemblagerequis.com, le saut de Baumgartner recréé avec des Legos. Ça, je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais quand même, si vous ne l'avez pas vu, je vous ai mis le lien vers cette version Lego-là. Et il y a aussi d'autres gifs animés sur, dans le fond, les problèmes qu'il a eu pendant son vol. À un moment donné, il a commencé à tourner quand même assez lentement et après ça, très rapidement. Ouais. Donc, ça aurait pu... ben, tu sais, on voit les gifs animés de lui en train de tourner. Donc, c'est ça. C'est bien le fun. Les gens aiment bien ça, les gifs. Ensuite, on parlait de Lego il y a 2 secondes. Une Batcave construite à partir de 20 000 blocs Lego. Oui, Batcave, une Batcave. C'est Carlisle Livingston 2 hein, et Wayne Hussey, qui lui est juste premier, donc il est poche. Et puis, il y a plein de lumière là-dedans. Ça pèse au-dessus de 100 livres, le truc de Lego au complet. La Batcave a fait sa première apparition au Emerald City Comic Con en février dernier. Elle est allée aussi au Jet City Comic Show et au Brick Con. Et puis, vous pouvez aller voir la galerie de photos sur assemblagerequis.com. C'est très, très, très impressionnant. Ensuite, je garde les vidéos pour la fin, encore une fois. Attention. Nouvelle mode. Vous avez sûrement vu passer ça à un moment donné. Sinon, ben, je vous en parle quand même, mais il y a une nouvelle innovation là-dedans. C'est, tu sais, les oreilles d'animaux que tu te mets sur la tête. Ouais. Qui peuvent bouger. Tu sais, il y avait une queue aussi, il y a quelques temps, hein, qu'on pouvait faire. On voyait la vidéo de la fille avec ça. C'est très populaire, ça, au festival ou au festival, dépendant de votre éducation. Niveau d'éducation que vous avez. Et puis, c'est très à la mode dans ces festivals de musique-là. Et puis, il y a une nouvelle innovation là-dedans. C'est ce qu'on appelle Emoki. C'est des oreilles d'animaux motorisées qu'on contrôle avec sa tête. Donc, c'est un appareil qui écoute les ondes dans votre cerveau, les brain waves, et traduit ça en mouvement via des trucs motorisés qui sont attachés à l'appareil. Donc, vous mettez ça sur votre tête. Vous pouvez choisir plusieurs couleurs, que ce soit mauve, des fourrures d'animaux, des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir bouger vos oreilles. Ils disent à des raves, entre autres, c'est populaire. OK. Tiens, parlant d'oreilles de chats, pourquoi pas utiliser des chats comme émoticônes? Tu sais, sur MSN dans le temps, on les utilise encore aujourd'hui, mais c'était particulièrement populaire sur MSN parce que ça changeait en petit symbole, puis il y en avait comme des millions. Tu faisais, tu sais, 2 points parenthèse, ça fait un petit symbole sourire, mais t'en avais comme plein d'autres, tire la langue, etc. Sur Facebook, ça marche aussi, mais il y en a pas mal moins. Dans ce cas-ci, on trouve 23 chats. En tant qu'émoticône. Donc, ils ont utilisé pas mal toute la base. Donc, un chat qui sourit, un chat qui a l'air triste, un chat qui fait un clin d'œil, un chat qui tire la langue. Ils sont tous là. Vous pouvez les utiliser sur des forums quand vous voulez. Wow! C'est cute. Ah, oh, le chat, il a peur. Oui! Ah, le chat, il porte des grosses lunettes. C'est le fun. Ensuite, on y va avec celui-là. Ah, ça, je sais pas si ça va se rendre au Canada. J'aimerais vraiment que ça se rende jusqu'ici. C'est des Pringles, OK? À saveur... Des chips, là? oui, les chips Pringles, exactement, à saveur de citrouille, OK? Pumpkin Pie Spice, donc épices citrouillées. White Chocolate Peppermint, donc Pepperman chocolat blanc. OK? Oh, et beau. Cannelle et sucre. Des Pringles, cannelle et sucre. Come on! Come on! Come on! Come on! Non, mais j'en mangerais là, là. Là, là. En tout cas. Ensuite, un artiste italien qui a fait des portraits de vedettes ou de personnalités célèbres sur ses doigts. Ou je sais pas si c'est ses doigts ou les doigts de quelqu'un d'autre, j'imagine. J'espère pour lui que c'est quelqu'un d'autre parce que c'est difficile de peinturer sur ton propre doigt, j'imagine. Donc, okay. Steve Jobs, okay. Dessiné sur un doigt. Il faut aller voir la galerie de photos pour comprendre. Avatar, version digitale, si on veut. Ronald McDonald, Gene Simmons de Kiss, Pikachu de Pokémon, Muammar Gaddafi, chose. Le Dalai Lama, Shrek, Spock, hey, ça continue, Jésus. Ils sont tous bons, tout le monde, on peut les reconnaître, il n'y a pas de vedette obscure, c'est pas Snooki. Che Guevara, Grease, Mozart, Sherlock, et je pourrais continuer toute l'année. Super, j'aime vraiment ça. Ensuite, ah, ça c'est le fun, ça sert absolument à rien, mais c'est un fichier qui s'appelle en fait 42.zip sur le site unforgettable.dk. Ce que c'est un fichier de 42, en fait c'est 16 fichiers, ok? Ouais. 16 fichiers qui contiennent chacun 16 fichiers zippés, ok? Qui contiennent chacun 16 fichiers zippés, qui contiennent chacun 16 fichiers zippés, etc. Tout ainsi ça, de suite. Ainsi de suite, dans un seul fichier. Donc, le fichier de 42.zip pèse 42,374 bytes. C'est minuscule, minuscule, minuscule. Et quand tu dézippes tout ça, qui se dézippe, qui se dézippe, qui dézippe, ça donne 4,3 gigaoctets. C'est l'équivalent d'un DVD presque, là, tu sais. Donc, la compression zip, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas, là, le mot de passe est 42. Évidemment, il y a téléchargé le fichier sur assemblagerequis.com. Ou encore, faites-leur confiance que ça fonctionne. Hein? Ouais. Au lieu de le faire vraiment. Une extension pour Google Chrome, c'est le furteur de Google, l'alternative à Firefox, etc., et à Internet Explorer. Ça s'appelle I Like What I See. C'est une extension Chrome qui like immédiatement tous les liens sur votre page Facebook. Okay? Vous visitez Facebook, vous cliquez sur le bouton Thumbs Up dans la barre d'extension, vous commencez à scroller et ça like tout. Chaque mot like sera cliqué. Ah ouais? C'est le fun? C'est le fun? Faut pas que tu scrolles trop vite, tu dis pas. Ouais. J'imagine. Ah, ouais. Ensuite, je pense qu'on est rendu à la portion vidéo. Donc, mute-moi ça. On va entendre des extraits du débat. Il y avait un débat vice-présidentiel il y a quelques jours de ça. Et ils ont sonifié ça, c'est-à-dire mis ça en autotune, toi. Tu sais, de l'autotune. Ouais. C'est belle. Biden. Ryan. Their ideas are old. And their ideas are bad. Obama promised hope and change. Turned his campaign into attack, blame, and defame. This is a bunch of stuff. Paul Ryan et Joe Biden. Moi, j'aime ça. Ça sonne bien. Ça sonne toujours bien de l'autotune, tu sais. C'est pour ça que toutes les, les chanteuses qui sont pas capables de chanter autrement ou mieux l'utilisent, hein. Ça a un son particulier, ça. Artistiquement, j'haïs ça. Ouais, c'est pas génial, mettons. Pas très bon. La prochaine vidéo, je l'écouterai pas avec vous en ondes. C'est un gars qui performe des push-ups. Tout en fait, ça sur une main. Il fait des push-ups avec une seule main. Et de son autre main, il fait un cube Rubik. Il fait des push-ups. Tout en faisant son cube. Ça prend 30 secondes. Bon? Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Jamais je réussirais même juste la portion push-up ou juste la portion cube Rubik, je pense. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, on pourrait écouter, tiens, ce qu'on pourrait entendre, c'est une version, c'est un bébé, OK, qui pleure, mais version pitch down. Donc, tu descends son pitch pour que ça soit plus grave un peu. C'est assez particulier. Hein? Bizarre, hein? Je suis content pour l'avoir écouté à l'avance. Oh boy. Ouais, c'est un bébé qui pleure, ça. OK, on va faire. Tiens. On aurait pu le faire. Oui, hein, limité nous-mêmes. On dirait une tortue. T'as-tu vu la tortue qui a des relations sur Internet? Ah, je le ferai pas. Je vais aller chercher genre Turtles having sex. Hein. Sur YouTube? Ouais, exact. Ensuite, un chat qui éternue, mais version dubstep. En fait, c'est plusieurs chats. Ah, ils sont cute. OK, c'est cute. C'est trop cute pour moi, ça. Trop cute. Ensuite, on a mis dans un malaxeur, un mélangeur à nourriture, un iPhone 5 contre un Samsung Galaxy S3. Lequel va gagner, tu crois, toi? Ben, si tu le fais jouer, ça doit être l'iPhone. C'est quoi? C'est présenté par Blendtec, évidemment, c'est ceux qui malaxent un paquet de produits. Aussitôt qu'un produit qui sort, ils l'essaient. On va avancer un petit peu plus loin, tu sais. On va pas s'essayer à la maison. Attention, on est ici, et voilà. C'est parti. On les voit se faire malaxer chacun de leur bord, pas dans le même malaxeur. Et le iPhone est défait en morceaux, c'est même pas croyable. Ouais, t'es sérieux? C'est vraiment pire. L'autre se fait défaire aussi en morceaux, là, mais l'iPhone se fait pulvériser. Évidemment, les commentaires se demandent tous si c'est commandité par Samsung, ce processus-là. Ouais, ça se peut. On ne le saura jamais. Mm-hmm. Il nous en reste un dernier. Tiens, c'est... à chaque jour, on en parle, je pense. On n'a pas le choix parce qu'il y a au moins une affaire en rapport avec ça. Le maudit Gangnam Style. Ouais. Gangnam Style. Mais mashup avec Ghostbusters, on va se quitter avec ça. OK. Merci, Enix. Ghostbusters, Gangnam Style, Ghostbusters. Gangnam Style. Gangnam Style. C'est ce qui conclut cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez entendre les chroniques CNX chaque semaine dans Assemblage requis, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Merci à François-Olivier Marchand pour la co-animation et à Mathieu Plante de m'avoir créé. Retrouvez les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Ici Snix le robot qui vous dit, moi je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. Trash.com. CNX.com.